On s'en va à Calgary parce que Gary Bettman, la semaine passée, est allé à Calgary puis il a fait comme des avertissements encore à l'organisation ou à la ville de Calgary pour évidemment pour faire avancer le dossier de l'amphithéâtre. Moi, ça me, excusez-moi l'expression, ça me gosse un peu quand je vois ça. Quand on voit qu'aux États-Unis, et il se met à genoux pratiquement. Quoi qu'il en soit, on va parler avec Marc-Éric Bouchard de Radio-Canada à Calgary. Salut Marc-Éric. Oui, je vais te dire ça puis te rire, mais c'est ça pareil, ça m'énerve. Ah non, je suis d'accord avec vous parce que moi, évidemment, je vis à Calgary depuis près de 18 ans et que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues, ils m'envoient une note sur les médias sociaux ou ailleurs qui me disent « Bon, c'est quoi la situation à Calgary? Est-ce que les Flames vont vraiment quitter? » Et là, évidemment, je leur explique les stratégies de marketing et le plan de Gary Bettman. Gary Bettman, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Mm. Mais les propriétaires des équipes nationales l'adorent. Ben oui, c'est sûr. Il travaille très bien pour les propriétaires. Et il est très, très bon négociateur. Il a fait remonter des marchés qui on pensait qu'il n'y avait aucune chance de percer dans le monde du hockey. Ses succès des matchs à l'extérieur. Là, il décide même d'envoyer des équipes à l'Union nationale durant la saison pour des matchs en Scandinavie, en Suède, en Finlande. Ouais. C'est un vendeur vraiment extraordinaire. Mm. Mais là, c'est que Calgary, il a une relation très intime avec un des propriétaires, Murray Edwards, qui est très riche. Et Murray Edwards est un des favoris de Gary Bettman. Et là, lui, Bettman, il veut encourager son ami. Et là, il vend évidemment là le fait que bon, c'est des bons fans, c'est un bon marché, les propriétaires évidemment sont plus jeunes. Et là, eh bien, pour pouvoir être sur le même diapason qu'Edmonton, c'est-à-dire de recevoir non seulement de nombreux spectacles, souvent les artistes ne passent pas par Calgary en raison de l'architecture du Salodome là, une selle. Souvent comme Paul McCartney a refusé de venir se faire son tour, U2 et tout ça. C'est comme l'ancien Colisée à Québec, c'est à peu près pareil. C'est ça. On perd beaucoup, beaucoup de revenus autres que le hockey. Pourtant, le Salodome est très occupé parce que vous avez les Flames, vous avez le Hitmen dans la Ligue de l'Ouest, comme un peu les Saint-Denis de Chicoutimi, vous avez les Roughnecks dans la Ligue nationale de cross. C'est quand même un amphithéâtre extrêmement occupé, mais c'est le plus vieux de la Ligue. Mm. Et si les Flames veulent être au diapason des autres équipes et des autres villes nord-américaines, il le dit, il le redit, ça prend un nouvel amphithéâtre. Mais il y a eu un précédent en Alberta. Mm. C'est que M. Cates, lui, il a reçu un beau cadeau. La ville d'Edmonton a presque tout payé, une bonne partie payée pour, évidemment, le bijou des Oilers présentement. Lui, il a payé seulement 20 millions de sa poche, M. Cates, propriétaire des Oilers. Et le reste, c'est tout des taxes, et la ville et tout ça. Et ça, évidemment, nous sommes dans la même ville, hein, Danny? Ouais. Et c'est comme Montréal-Québec, hein? Chicoutimi-Jonquière. C'est comme, d'autres choses. Comment ça qu'eux, ils ont eu tout ça, et nous, à Calgary, à 3 heures au sud, on peut pas avoir la même chose. Mais on n'a pas le même maire. Mm. Le maire d'Edmonton était très généreux envers l'organisation des Oilers, mais Nan Minchi à Calgary, qui était replacé dans un autre mandat, lui, c'est un intellectuel, c'est un universitaire, et lui, il dit, bon, pour l'instant, les Flames ne payent absolument rien. Parce qu'il loue, il loue le Salodome 1$ par année. Okay. Vous avez bien compris. 1$ par année. C'est qu'évidemment, les propriétaires des Flames ne sont pas intéressés. De se construire un amphithéâtre en leur nom. Parce qu'ils vont payer quoi? Des taxes. Quand tu es propriétaire, tu payes des taxes. C'est-à-dire que là, tu loues l'amphithéâtre du Salodome et tu gères les profits du Salodome. Ça, c'est facile à gérer des profits. Et là, quand tu loues 1$ par année, l'entente est extraordinaire. Mais une entente comme ça, c'est impossible pour un nouvel amphithéâtre. Et c'est là où on est rendu. Peut-être que le fait que les Jeux olympiques de Calgary peut être une possibilité en 2026, ça va peut-être donner d'autres sous, à part les sous du budget de la ville de Calgary, pour pouvoir peut-être construire un nouvel amphithéâtre. et nous sommes à cette situation-là. Et c'est pour ça que M. Bettman vient faire son tour deux, trois fois par année pour redire tout le temps. Et là, il faut que Calgary se positionne comme une ville avec un amphithéâtre de l'an 2000, pas des années 80. Ouais. Oui, c'était unique, le Salodome, mais c'est ça a passé son temps. Comme mais là, les Olympiques, est-ce que c'est sérieux à Calgary, ça? Parce que là, lui, Bettman s'y prend avec, avec l'histoire des Olympiques. Il dit, ben là, vous pouvez, si vous voulez avoir les Olympiques, ce serait peut-être faire une pierre deux coups, là. Est-ce que c'est sérieux? C'est une très bonne question. Ouais. Oh oui, c'est très sérieux. C'est très sérieux, les Olympiques, parce qu'on a dépensé déjà beaucoup d'argent sur des comités. Okay. Même si le maire de Calgary s'est rendu à Pyeongchang. Il a passé trois semaines à Pyeongchang. OK. Ça veut dire qu'il est très sérieux. Mais vous savez qu'est-ce que le CEO a dit, mon cher Danny? Non. Il a dit que la ville de Calgary n'a pas besoin d'un nouvel amphithéâtre pour les Jeux Olympiques. Ouais, fait que OK. Le Salodome convient très bien aux normes du comité international olympique. Fait que là, ça enlève la poigne à Bettman. Oui, c'est vrai. Bettman, il dit, bon, OK, CEO. Mais on sait que Bettman et le CEO, ce sont pas les meilleurs amis. Non, ouais. Parce que M. Bettman n'a pas voulu envoyer ses joueurs lors des derniers Jeux Olympiques. Est-ce qu'il va les envoyer dans 4 ans en Chine? Ça, c'est une belle question qu'on n'a pas la réponse. Mm. Mais c'est ça, c'est que, oui, entre vous et moi, s'il y a des Olympiques ici en 2026, je suis convaincu que le maire MC va réaliser que le Salodome, ça fait son temps et qu'on aura besoin d'une installation beaucoup plus marquée et c'est un leg par la suite. Parce que les Olympiques, c'est ça la belle chose. Okay. Que tu laisses des infrastructures qui sont là pour rester pour ta communauté sportive. Hein? Ouais, parce que ici, bon, l'anneau olympique est une des meilleures au monde. Bon, le parc olympique, on l'a augmenté depuis plusieurs années. Tout ça. Mais j'ai l'impression que si la ville de Calgary réussit à gagner, ce ne sera pas facile parce que Sion en Suisse est très bien organisé, Stockholm en Suède également. J'ai hâte de voir, mais ça peut donner un coup de main aux propriétaires des Flames aussi, évidemment, les Jeux Olympiques pour une deuxième fois là en 2026 à Calgary. Là, sûrement pas nuit. À court terme, ce qu'on dit, c'est que les Flames ont souvent payé de la, péréquation. Le partage des revenus. Là, ils en payent, là. Ils en reçoivent, ça dit. Est-ce que à court terme, est-ce que parce que là, l'aréna, il n'y arrivera pas, est-ce que monter les concessions alimentaires, c'est une possibilité? Monter tout également les vêtements et ainsi de suite? Les produits dérivés? C'est une possibilité, non? Je pense que ça, c'est une bonne question, mais je pense que ça, c'est pas une possibilité, parce que déjà, ça coûte très cher, déjà, le maïs, la bière, les chevaliers, c'est comme partout pareil. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est que le fait que les revenus sont stagnent, hein, c'est le statu quo, parce qu'il y a de moins en moins d'artistes qui s'y rendent. Oui, les Hitmen sont la propriété des des Flames. Ça veut dire que les Flames ne reçoivent pas de l'argent pour la location des Hitmen parce que ça appartient aux Flames. Mm. Même chose pour les Stampeders de Calgary au football. C'est que c'est devenu un problème, je pense, à Calgary. À Calgary, tout ce qui est divertissement sportif, eh bien, ça appartient à une seule personne, les Flames. Okay. Les Flames sont la propriété de tout ce qui est sport à Calgary. Et moi, je pense que c'est pas très bon, ça, pour le... Non, ça fait le monopole un peu. C'est un peu comme à Montréal avec le Canadien. C'est un peu comparable. À Montréal, au moins, les Alouettes n'appartiennent pas aux Canadiens. Effectivement. Au moins, l'Impact non plus. Ça, au moins, on a une belle... une belle proportion entre les propriétaires du soccer, du football et du hockey, tandis qu'ici... Ils contrôlent tout. C'est plus facile de contrôler un peu le. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as un monopole, c'est facile, tu teintes plus les pieds un peu. J'imagine que c'est la même affaire avec les films. Parce que tu prends pour acquis, évidemment, tes fans et l'aspect marketing, l'aspect aussi publicité dans ta ville et tout ça. Mm. Et non, c'est un dossier très complexe. Mais moi, j'ai l'impression. La suite des choses, c'est quoi, là? Pardon? La suite des choses. La suite des choses, c'est que j'ai l'impression que NNC voit tout ça. Le maire de la ville est très brillant, très intelligent. Et lui, il a dit que les Flames, là, c'est important pour la ville et tout ça. J'ai l'impression qu'il va faire peut-être une autre proposition. Il va refaire ses devoirs. Et là, il va à nouveau peut-être demander des rencontres avec l'organisation des Flames de Calgary et ses propriétaires. Et peut-être que d'ici, peut-être, avant le Stampede, là, d'ici, peut-être qu'on va avoir une autre manche de négociation entre la ville et, évidemment, les propriétaires. Et là aussi, on va avoir des nouvelles aussi. Est-ce que le Calgary se retire ou continue jusqu'à la fin de se battre pour l'obtention des Jeux en 2026 face à la Suède et à la Suisse? Okay. C'est aussi c'est un élément important dans, tout ce qui se passe dans l'amphithéâtre des Flames à Calgary. OK. Donc, c'est quand même assez... Est-ce que... Moi, ce qui m'énerve, au début, si je te disais, ça m'énerve, ce dossier-là, ce qui m'énerve, là, c'est que Gary Bettman, quand c'est le temps de l'Arizona, quand c'est le temps de la Caroline, quand c'est le temps de villes qui marchent pas, les Panthers de la Floride, me semble qu'il est moins arrogant que quand c'est une concession au Canada. À Winnipeg, les exigences étaient beaucoup moins, beaucoup plus grandes que quand c'était ailleurs. Es-tu d'accord avec moi là-dessus? Ah oui, oui, certainement, certainement. C'est que les quand c'est le Canada, là, c'est tout. Le Canada a la perception que Gary Bettman n'aime pas les marchés canadiens. Et les prend pour acquis. Évidemment, il ne peut pas nier que les marchés de Toronto et Montréal et de Vancouver sont très grands. Mais les plus petits marchés comme Winnipeg, Edmonton, Calgary, bon, des fois, il fait des menaces, ça ne fait pas son affaire. Et c'est vrai qu'il est très patient envers des marchés. Parce que Bettman l'a dit depuis tout le temps, lui, il croit que c'est possible d'avoir du hockey en Arizona. Pourtant, eh bien, c'est difficile et... Et là, encore cette année, là, très difficile. En Floride, ben là, Tampa Bay, ça va très bien, mais la Floride, les Panthers, c'est un marché extrêmement difficile. Même en Caroline, à Raleigh, c'est pas facile. Le Raleigh, une formation pour peut-être accéder aux séries éliminatoires, mais à Raleigh, il a protégé beaucoup ce marché-là. Et c'est un marché d'universitaire, un marché très difficile. Et pourtant, eh bien, il est devant les Hurricanes pour dire que c'est un excellent marché, puis ça va bien et tout ça. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, qu'il devrait être un peu plus positif et avoir un autre message quand il parle des très bons marchés canadiens. Ouais. Et celui de Winnipeg, hein. Winnipeg, c'est intéressant parce que Winnipeg, C'est un marché milieu. Winnipeg, c'est un marché milieu jusqu'à maintenant. Puis je pense que les Jets sont une bonne équipe, ont des chances de gagner de se rendre très loin cette année. Ça pourrait augmenter encore, là. Ben oui, c'est ça. Le seul problème avec Winnipeg, c'est que c'est l'amphithéâtre qui a le moins de sièges dans toute la Ligue nationale. Ouais. Hein? Et ça, 15 015. Et ça, 15 015, quand tu compares à des 20 000 ou à 19 000 dans la plupart des marchés, c'est que tu peux pas toujours augmenter les billets année après année. Il reste que tu as 15 000 sièges à vendre avec des loges corporatives beaucoup moins importantes qu'ailleurs. Mais là, c'est ça. C'est que le long terme me fait peur un peu du côté des Jets. Hein? Mais le moyen terme, ça va bien. Là, il y a une formation extrêmement compétitive. On est capable de bien respecter les budgets parce que c'est des jeunes joueurs qui sont pas à 6-7 millions. 6-7 millions, les Lanny, Ehlers, Scheifele et les autres. Mais quand ces trois-là vont être au statut d'un Sidney Crosby ou d'un autre joueur, là, peut-être, ça sera difficile de gérer et d'être compétitif à Winnipeg avec les Jets. Effectivement. Marc-Éric, très intéressant. On se reparle très prochainement, puis tu diras bonjour à ta gang. Merci à toi aussi, merci. De Radio-Canada à Calgary, Marc-Éric Bouchard.